Chapitre 6e. La pêche et la pantoufle. Et elle alla s'appuyant sur le bras de Suzanne au coquelicot. Et quand elle fut dans le verger, « Mais vous n'avez qu'une belle pêche, mon enfant. C'est celle-là que je vous donne, » dit la jeune fille en détachant la pêche et en la portant à la bouche de la fée. Jamais, depuis qu'il y a des pêches, c'est-à-dire depuis le paradis perdu, un pareil parfum d'ambroisie ne s'était exhalé de ce fruit savoureux. La fée mangea la pêche avec délice, tout en se promettant bien de la payer son poids d'or. Elle n'avait pas supposé un seul instant qu'elle dût s'arrêter à la maisonnette pour essayer sa pantoufle, quand elle vit tout d'un coup, car le vent passait par là, le pied de Suzanne au coquelicot. Ce n'était point un pied de chinoise, car il était d'une forme idéale, c'était le pied de Cendrillon. La pantoufle était faite pour le pied, ou plutôt le pied était fait pour la pantoufle. Ma belle enfant, gardez cette pantoufle. Tous les ans, à pareil jour, si vous la chaussez en pensant à moi, vous ferez tout ce qu'il vous plaira. Mais ne la laissez pas tomber de votre pied. » La fée disparut en baisant au front Suzanne au coquelicot, qui ne pouvait en croire ni ses yeux ni ses oreilles.